Je circule sur une chaussée à deux voies de circulation à sens unique. Je viens d'achever le dépassement du véhicule blanc visible dans le rétroviseur. Même si j'ai l'intention de dépasser le camion, il est encore loin et le véhicule qui me suit a signalé son intention de me dépasser. Je dois donc me rabattre sans tarder. Réponse A.